Baba aliyetu mbinguni, magharibi ya leo tunakukaribia kwa roho yetu yote, jiwe Mungu upatambao kusemeshana nasi namna kuitufundisha juu maisha yetu ipate kunyoloka. Sema nasi wakati ya magharibi namna kusema tushanze kutembea munjia ya uovu. Metupata mba kwa nkamana munjia ya Kikristo, na tukuye matoto ya Mungu ya kweli. Katika jina la Yesu Kristo, tunakualika katika mkusanyiko hii. Sema tu neno moja, na mioyo yetu itabariki jina lako. Aba bantu wanafika pali hapa, beko bezwe na neno ya kutokea kwako. Paske ndani ya neno lako muna uwezo ya kuumba. Tunapenda uumbe ndani yetu nguvu mupya, uumbe ndani yetu maisha mupya, uumbe ndani yetu mwenendo mupya, juu ya utukufu ya jina lako. Seigneur, aksante. Mukuchunga kunyanyuliwa, tunapenda mioyo yetu ipate kuwa tayari. Kumbuka ya kusema aba bantu ni taifa ambao ulifuya kumusalaba. Aina juu walikuwa bantu wa kunyoloka, ni juu walikuwa bantu babaya. Ke tu ya abandone le ciel, unakuya sasa sawa muntu juu upate kuparticipe kumateso yao, na upate kubari pia ndeni. Fele Seigneur encore ce soir, uendele amba kujenga manafsi yetu juu ya utukufu ya jina lako. Bariki neno itasomewa, bariki kila nduku na kila dada, maproblemi yetu yote sawa bantu ikombele ya uso wako. Jibu kila nduku na kila dada, mambo iko nayo ndani na moyo wake, juu atukufia jina lako. Merci Seigneur, mwanzo na mwisho ubarikiwe, mujina la Yesu Kristo niko na kuomba hivi, amen. Amen. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura ya 10. Dans son verset 11. Mustari ya 11. Nous prendrons en même temps 2 Chronique au chapitre 12. Tutachukua tena mambo ya siku ya pili sura 12. Dans son verset 1. Mustari yake ya kwanza. 1 Corinthiens 10. Wa Korinto wa kwanza sura 10. Dans son verset 11. Mustari ya 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hivi basi, mwenye kuwazia kwa bwima, asopoke, asianguke. Si ces choses que nous sommes en train d'étudier ont été consignées dans les pages de la Bible, kama hivi bitu, bile tukunajifunza, biliandikiwa muma kartasi ya Biblia, elles sont écrites pour notre instruction. Biliandikiwa juu tupate kujifunza po. Et c'est écrit pour nous qui vivions au temps de la fin. Nabiriandika kwetu sisi benye kuishi mwakati ya mwisho. Dans 2 Chronique 12. Mambo ya siku ya pili sura 12. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, wakati Roboam alitia nguvu mfalme yake, et qui lui acquit de la force, na akisha kupata nguvu, il abandonna la loi de l'Éternel, akaacha sheria ya wamilele, et tout Israël l'abandonna avec lui. Na Israël mzima yote ikamwacha. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Wana Mungu ongeze baraka kusomi wa neno lake. Hier, nous nous sommes beaucoup attardés Jana turigawia sana pour montrer comment Roboam s'est fortifié et a fortifié son royaume après qu'il soit devenu roi. Juu ya kuonesha namna kani Roboam alitia nguvu na kutia nguvu falme wake kisha yeye kwa mfalme. Nous avons montré hier Jana tulionesha que ce qui a fortifié davantage Roboam et son royaume ya kwamba ile ilimtia nguvu zaidi Roboam na ufalme yake, c'est lorsqu'il avait reçu les sacrificateurs et les lévites dans son royaume. Ni wakati ile alipokea bakuani na balawi mu ufalme yake. Et ces hommes de Dieu faisaient l'œuvre de l'Éternel à Jérusalem. Na aba batumishi ya Mungu barikuwa nafanya kazi ya Mungu ku Yerusalema. Comme cela fut consigné dans la loi de l'Éternel. Paka vile iliandikwa musheria ya wa milele. Ces hommes de Dieu, aba batumishi ya Mungu, après qu'ils se soient installés à côté de Roboam dans le royaume de Juda, kisha bokuikala pembeni ya Roboam mufalme ya Yuda, ils ont commencé à servir Dieu et le peuple selon ce que Dieu avait ordonné dans la loi de Moïse. Wakaanza kutumikia taifa na Mungu kufuatana na ile ilikuwa yenye kuandikwa mu sheria ya Musa. Ils avaient abandonné Jéroboam, bali mwacha qui les empêchait à servir l'Éternel, bali mwacha Jéroboam ule alibazuiza bachimutumikie wa milele, qui avait créé dans son royaume des hauts lieux sur lesquels ils avaient placé des statues et des idoles. Ule aliwenga mapali pa kuabudu, pale aliweka masanamu na masanamu. Et il les avait remplacés par n'importe quel individu du royaume na, qui lui avait donné l'argent pour être sacrificateur. Na rekombola bale bakuani na batu bote bote bale banupacha feza juba kuwe bakuani. Et quand les hommes de Dieu, les véritables croyants, wakati batumishi ya Mungu baminifu ba vya kweli, lorsque les véritables croyants virent que le véritable sacrificateur et lévite de la famille de Lévi ont quitté le royaume de Juda, le royaume d'Israël, wakati baminifu ba vya kweli baliona ya kwamba bakuani ba vya kweli balitoka ufalme et qui sont allés s'installer dans le royaume de Juda, na balienda kuikala mu ufalme ya Juda, ils abandonnèrent aussi Jéroboam. Et ils allèrent s'installer aussi dans le royaume de Juda. Parce que dans leur cœur, ils avaient un souci profond de chercher l'Éternel leur Dieu. Ceux qui ont fortifié le royaume Juda. C'est ce que nous avons beaucoup insisté hier. Ce n'est pas du royaume de Juda que nous parlons. Ce n'est pas de Jéroboam que nous parlons. Nous parlons de nous-mêmes. Nous parlons de cette église de Kambo. Et nous parlons du corps de Christ. En parlant de nous-mêmes et de cette église de Kambo, nous avons aussi insisté en disant que cette église de Kambo ne peut s'affermir que lorsqu'il y a deux véritables serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur selon sa volonté et selon sa parole. Cette église de Kambo ne pourra aussi s'affermir que lorsqu'il y a dans son sein des hommes et des femmes à cœur sincère qui ont la soif et la faim d'avoir Dieu dans leur cœur, et alors le véritable Dieu, ils veulent avoir dans leur cœur le véritable Dieu, ils ont le souci permanent dans leur cœur de servir le véritable Dieu, ils ont le souci de mettre en pratique chaque parole qui leur est apportée. Ce sont ces deux choses ici qui nous affermiront en Dieu, qui affirmera cette église dans la vérité. C'est vrai. C'est ce que nous avons montré. Un véritable chrétien, un véritable serviteur, ne peut jamais appuyer les fausses choses. Il ne peut jamais défendre les fausses choses. Dieu l'a engagé pour défendre et appuyer ce qui est vrai. Et vous et moi, avec cette église, appuyons seulement la parole de Dieu. Appuyons seulement ce qui est vrai. Appuyons ce qui appartient au Seigneur. Nous serons affermis. C'est Dieu, c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui nous a fermé. Kwani ni Mungu njo ako natutia nguvu. Ce n'est pas ce bâtiment qui nous a fermé. Aina hiki nyumba njo kitatutia nguvu hapana. Ce ne sont pas les synthés, les guitares et les drums qui viennent nous affermir. Ile njo tatutia nguvu hapana. Non. Ce n'est pas une masse de gens. Aina wingi ya watu. Qui viendra nous affermir. Njo itatutia nguvu hapana. Nous serons affermis. Sisi tutatiwa nguvu. Avec la vérité, na ukweli, tout en étant dans la vérité ndani ya ukweli, et en marchant dans la vérité. Na kutembea katika c'est ukweli. Dieu qui nous a fermis. Ni Mungu njo anatutia nguvu. Et Dieu na Mungu est la parole. Eko neno. Deuxième Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Au chapitre 1. Sura yake ya kwanza. Dans son verset 21. Musari makumi mbili na moja. L'Écriture dit. Andiko inasema. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, na ula natutia nguvu pamoja naye ndani ya Kristo, et qui nous a oint, c'est Dieu. Na ula alitupaka mafuta ni Mungu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, ula natutia nguvu pamoja na moye ndani ya Kristo, et qui nous a oint, c'est Dieu. Na ula anatupaka mafuta ni Mungu. Vous voyez, munaona? C'est Dieu ni Mungu qui nous affermira dans son royaume. Katika ufalme wake. C'est Dieu qui nous affermira ni Mungu atatutia nguvu dans la vérité. Katika ukweli. Oui, bien-aimés frères, ce n'est pas l'argent, aina feza. Ce ne sont pas les maisons que nous construisons aina manyumba tunajenga qui nous affermiront atatutia nguvu dans la vérité. Katika ukweli. Mais la parole de Dieu, lakini neno la Mungu, la parole de vérité neno la ukweli que nous vous apportons, c'est cela qui va vous affermir en Christ. Ndani ya Kristo. Dans Colossiens au chapitre 2, wa Kolosai sura dans son Bible, verset Mustari, 6 à 7. Sita na ainsi sama. Donc, ivi basi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vile mumpokea Bwana Yesu Kristo, marchez en lui, mutembe ndani yake, étant enraciné et fondé en lui, venye kutiwa mizizi na misingi ndani yake, et affermi par la foi, na kutiwa nguvu kwa imani, d'après les instructions kufatana na qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. C'est la parole de vérité que nous vous apportons qui peut vous affermir. Et ne l'oubliez jamais. L'église est avec moi. Vous voulez être affermi. Gardez la vérité. Gardez la parole pure. Obéissez à la parole. Vivez la parole. Observez la parole. Soyez derrière les hommes de Dieu qui prêchent la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de vérité. vérité. Ne faites pas de compromis dans votre vie. Ne défendez pas les fausses choses. Et n'appuyez pas des mensonges. Ne courez pas derrière chaque mouvement. Restez derrière la parole. Restez derrière. Que les hommes de Dieu, derrière que les hommes de Dieu a mandaté, vous serez affermis. L'Église est avec moi. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Mais remarquez cet homme de Dieu, Roboam. Il a bien démarré son royaume. Il a fait la première erreur parce qu'il avait écouté les impies et il avait négligé les conseils des anciens. Et en faisant cette erreur, son royaume fut divisé. Mais après que son royaume fut divisé, il comprit qu'il avait commis une erreur. C'est ainsi, quand il a vu Jéroboam dans son royaume commettant des bêtises, lui est retourné vers l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il s'était fortifié. Et Dieu était avec lui. Mais regardez ce qu'a fait cet homme de Dieu. Il a régné 41 ans. 41 ans, c'est toute une génération. Et il prospérait. Mais regardez son comportement. Après qu'il se fit affermi dans son royaume, il abandonna l'Éternel. Après que Roboam soit puissant, il regarda à ses villes fortifiées, ses villes remplies de dépôts d'armes, rempli de boucliers et de lances pour faire la guerre. Il a regardé autour de lui. Et il a regardé dans son royaume. Chaque ville fortifiée avait des magasins pleins de nourriture, plein d'huile et de vin. Les gens mangeaient à leur goût. Les gens buvaient du vin. Il se réjouissait. Il a regardé. Il a vu des hommes de Dieu. Pas de faux. Des véritables serviteurs de l'Éternel. Les enfants de Lévi. De la tribu de Lévi. Cette tribu à qui Dieu avait confié la parole, l'Urim et Tumim. Il est Kabila Mungu alipatia neno lake Urim na Tumim. Il les a vus. Alibaona. servant l'Éternel à Jérusalem. Alikuwa anamtumikia wa milele ku Yerusalema. Là où l'Éternel avait placé son nom. Mule wa milele aliweka jina lake. C'est là où il faisait des sacrifices. Jo mule walikuwa anatolea masadaka. Pour l'expiation du péché. Jo ondoleo ya zambi. Il a regardé. Alitazama. Et c'était bien. Na ilikuwa mzuri. Il dit maintenant. Akasema sasa hivi. J'ai Dieu. Niko na Mungu. J'ai les sacrificateurs. Niko na bakuani. J'ai des villes fortifiées. Niko na mamiji yenye kwa na nguvu. Le peuple est derrière moi. Watu bote wako kumkongo yangu. Il mange bien. Wanakula mzuri. Il dorme bien. Wanalala mzuri. Il se vêtisse bien. Wanavaa mzuri. Il faut leur fête comme ils veulent. Wanafanya makaramu yabo kwa kitendo. Ils n'ont pas de soucis. Abana na hangaiko. C'est vrai. Ndio kweli. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Lorsque Jéroboam. Wakati ile Jéroboam. Se fit affermi dans son royaume. Alitia nguvu mufalme yake. Et qu'il lui a acquis de la force. Na kisha il est devenu puissant. Anakuwa sasa anakuwa na uwezo. Il abandonna la loi de l'Éternel. Aliacha sheria ya wa milele. Et tout Israël l'abandonna mzima, avec lui. Israël mzima nayo ikamwacha wa milele pamoja naye. Voyez ce que je vous disais dans les jours passés. Unaona ile ilikuwa nakuwa nimeambia matimizi. Il faut toujours garder cette pensée. Kila wakati inapaswa kuchunga hii wazo. Que cette pensée ne s'éloigne pas de vous. Hii wazo ishende mbali na moyo. Quand un homme commence à se sentir sûr de lui-même. Wakati mtu anaanza kujisikia ya kwamba yeye ndio. Quand une femme commence à se sentir sûr d'elle-même. Wakati mwanamke anaanza kujisikia yeye mwenyewe. Quand un prédicateur commence à se sentir sûr de lui-même. Wakati mhubiri fulani anaanza kujisikia yeye mwenyewe. Quand une église. Wakati commence à se sentir. Inaanza kujisikia. Vous voyez? Naona sûr d'elle-même. Wana hakikisho yayo yenyewe. Quand un foyer. Wakati commence à se sentir sûr d'elle-même. Croyez-moi que cet homme-là, cette église-là, ce serviteur-là, cette famille-là est déjà tombé. Lorsque dans votre vie, vous commencez à vous sentir que vous vous suffisez ya kwamba unejeneza et que vous n'avez plus besoin de personne ya kwamba hauhitaji mtu. C'est à ce moment-là que vous tombez. C'est à ce moment-là que vous oubliez l'Éternel pour aller dans les choses de néant. C'est à ce moment-là que vous oublierez la parole. Vous commencerez par oublier tous les de la parole. Makalamusho yote ya neno la Mungu. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. L'orgueil vient. Kiburi kinakuja. Et vous commencez à se croire. Na unaanza kujizania. Que tout ce que vous avez, ya kwamba yote ile kunayo, vous l'avez par vous-même. Unaipata ni kwa nguvu yako mwenyewe. Et quand quelqu'un pense, wakati mtu akizania, qu'il est devenu fort, ya kwamba anakuwa wa nguvu, il est devenu prospère, anaendelea na sawa, il a beaucoup de biens, anakuwa na vitu mingi, c'est parce que il a fait quelque chose, alifanya kitu fulani, il met Dieu à côté, anaweka Mungu pembeni, il ne pense plus, asikumbuke tena, c'est Dieu qui le lui a donné, ya kwamba ni Mungu anampatia, à ce moment-là, ile wakati, il abandonne Dieu, anamwacha Mungu, et il tombe, na anaanguka. Quand un prédicateur, un pasteur, même s'il a un véritable don, même s'il prêche bien, même s'il enseigne bien, il met seulement à côté Dieu, il commence à penser que il enseigne bien, c'est par ses capacités humaines. Mon frère, ma soeur, ce prédicateur, cet enseignant, c'est pasteur est déjà tombé. Nous ne faisons rien par nous-mêmes. C'est seulement par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. sans l'assistance de Dieu, bila msaada wa Mungu, sans le secours d'en haut, bila msaada wa juu, personne n'est quelque chose. Hakuna mtu mwenye kwa kitu fulani. Nous tous, sisi wote, nous sommes inutiles devant Dieu. Tuko baovyo babule mbele ya Mungu. Prédicateur, mhubiri, pasteur, pastori, enseignant de la Bible, mhubiri, prophète, nabi. Voyez, croyant, mwaminifu, nous sommes rien devant Dieu. Sie bote tuko bule mbele ya Mungu. Bila yeye, nous ne pouvons rien. Hatuwezi kitu. Et sans lui, na bila yeye, nous ne sommes rien. Hatuna kitu. Et notez cela dans votre cœur, l'église de Kambo. Maintenant nous avons un grand bâtiment. Dieu nous a béni, tout ça c'est bien. Kanisa munene, Mungu anatubariki. Mais ce n'est pas ça la garantie. Alakini, ila ina njua kikisho. Ne vous affermissez pas dans les bâtiments du Kambo Tabernacle. Affermissez-vous dans la parole de vérité. Muritie nguvu ndani ya neno la ukweli. Voilà la chose essentielle. Quand les gens deviennent puissants, ils oublient Dieu et ils tombent dans le péché. Abandonner Dieu signifie, c'est abandonner ce qu'on défendait, c'est rejeter. Ce qu'on croyait, c'est rejeter, arrêter ce qu'on faisait, et apprécier ce que Satan fait, sasa et on voudrait maintenant vivre comme le reste du monde. C'est vrai frère, on commence à apprécier, le monde, dunia. On commence à apprécier les païens et les païens, on commence à envier leur mode de vie, et on commence à croire qu'on est tellement esclave de Dieu, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On veut être indépendant. En voulant être indépendant, on se détache de Dieu, on tombe dans sa propre volonté et on tombe dans le péché. Si l'église de Kambove pouvait écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire, alors nous serons une église fortifiée. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Même la santé que tu as là, tu ne l'as pas par toi-même. Ce n'est pas parce que tu as des sacs de maïs dans la maison, des sacs de riz et d'haricots, de soja, que tu as la santé. Non, tu as la bonne santé parce que c'est Dieu qui te la donne. La bonne santé ne dépend pas des aliments que nous mangeons. La bonne santé dépend de celui qui est mort à la croix. Dans toutes les nourritures que nous mangeons, c'est plein de maladies. Vous voyez même la Bible dit, avant de manger quelque chose, nous devons la sanctifier. Parce que notre nourriture doit être sanctifiée par la prière et par la parole. Pourquoi elle doit être sanctifiée? Elle est déjà contaminée par les démons. C'est pourquoi, quand vous mangez trop de la viande, vous tombez malade. Quand vous mangez trop de lait, vous buvez trop du lait, vous tombez malade. Lorsque vous mangez trop d'huile, vous tombez malade. C'est vrai. Il y a déjà la mort. C'est Dieu qui nous donne la santé. Même lorsque vous vous habillez, ce n'est pas par toi-même. C'est Dieu qui te donne la force de t'habiller. Dans les hôpitaux ici, il y a des gens qui ont des valises pleines. Mais ils sont incapables de porter même une seule chemise, un seul pain. Ils sont habillés en pyjama. Et leur pyjama là, pyjama c'est yambo, même pas eux-mêmes qui les portent, c'est quelqu'un yba. D'autre qui les habille. Frère, Duku, nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Nous devons reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Yote, nous devons reconnaître Dieu dans ce que nous sommes. Yote, tuko. Tout, yote, nous l'avons kuripata. Par la grâce de Dieu. Nous avons toutes choses par les secours divins. C'est vrai. Roboam. Qui a bien marché avec le Seigneur. Et même les hommes de Dieu l'ont apprécié. Na watumishi wa Mungu walimtapa walimfurahikia. Ils ont quitté les faux pour venir dans les vrais. Walitoka kwa ule wa vya bongo na kwenda kwa ule wa vya kweli. Mais Roboam a oublié. Lakini Roboam alisabu. Il était dans une bataille continuelle. Ya kwamba alikuwa mvita asipo. L'église Kambove est avec moi. Anisa Kambove inafuata. Mon frère, ma soeur. Ndugu yangu na dada yangu. Nous sommes tuko dans une bataille mvita continuelle. Ya sipo kusimamisha. Et notre bataille demain. Na vita yetu inaendelea. Jusqu'à ce que la mort vous délivre. Fika na pale lufu itatukomboa. Ou jusqu'à l'enlèvement. Wala kufika oh, si longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, souvenez-vous que vous êtes toujours dans une bataille. Quelle est la bataille que nous avons? Nous avons la bataille de garder Dieu avec nous et nous avons la bataille de nous éloigner de tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Nous devons nous éloigner de tout ce qui appartient à Satan. On n'a pas su kimbia yote ya shetani. Jéroboam a oublié ses principes. Jéroboam alisabu ikanuni. Vous voyez? On a ona. Il peut marcher. On a aussi kutembea. C'est pas comme l'écriture me vient à l'esprit. Il est indiqué dans la Bible. Il est anasema. Vaut mieux la fin d'une chose. Iku mzuri mwisho ya kitu. Que son commencement. Kuliko mwanzo yake. Beaucoup de gens commencent. Watu mingi beko naanza. Mais peu de gens arrivent. Watu mingi kidogo. Oui, mes frères. Wanafika mwisho. Ne vous glorifiez pas encore maintenant. Usijitukuze hapa sasa. Unaona? Il faut se glorifier à la fin. Unapaswa kujitukuza kumwisho. On ne reçoit pas la couronne. Au milieu, taji katikati. Au début, mwanzo. On reçoit la couronne à la fin. Kataji ni kumwisho. Voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendwa. Vaut mieux la fin d'une chose. Iko mzuri mwisho ya kitu. Que son commencement. Kuliko mwanzo yake. Kambove est avec moi. Kambove nanifuata. Beaucoup de gens commencent. Watu mingi beko naanza. Et beaucoup de gens aussi tombent en chemin. Watu mingi nabo beko nanguka. Beaucoup de gens commencent avec Dieu. Ba mingi beko naanza pamoja na Mungu. Et beaucoup de gens aussi tombent en chemin. Ba mingi tena beko nanguka katikati ya njia. Ne vous glorifiez pas. Usijitukuze. Des expériences. Ya maonjo. Que tu as fait avec Dieu. Ile ulifanya pamoja na Mungu. Au début de ta foi. Mwanzo ya imani. Hapana. No. Ne basez pas votre foi d'aujourd'hui sur vos expériences antérieures. Non, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Je suis. Voyez bien mes frères. Il est toujours présent. Voyez bien mes frères. Tu peux bien commencer avec Dieu, mais tu peux l'abandonner. Lakini unawezi kumuacha. Au milieu de la course. Katikati ya safari. Nous l'avons vu. Tuliona. Même au milieu de nous. Hata katikati yetu. Nous avons vu. Tuliona. Dans la Bible. Mu Biblia. Vous voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpenzi. La plupart des frères qui sont ici. Ba mingi katikati ya bandu. Et la plupart des sœurs qui sont ici. Na ba mingi katikati ya bandu. Ce ne sont pas des frères qui étaient au début avec nous il y a 15 ans. Aina banduku bale turanzaka nabo imani kuna kwa miaka 15. Vous voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpenzi. Si nous pouvons compter les frères qui étaient au début avec nous. Sont les gens à compter au bout du doigt. Ba kuhesabia ba kidogo. C'est pourquoi. Kwa faites très attention dans la marche que nous faisons avec Dieu. Si tu t'habitues à la parole, kama ukizobelea ya neno la Mungu, tu tomberas certainement. Utanguka hakika. Quand quelqu'un, wakati mtu, commence à vivre la parole de Dieu, anaanza kuishi neno la Mungu, à venir à l'église, ya kucho kanisa, comme accomplissant une tradition, kama mwenye kutimiza kisheria, il est déjà tombé. Manake ule mtu ashaanguka. Pourquoi? Il n'a plus de crainte de Dieu en lui. Ana tena na boka wa Mungu ndani yake. Si l'église pouvait comprendre cela, kama kanisa ingesikia yako hii, l'église serait fortifiée. L'église serait affermie. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Tu as bien commencé avec Dieu. Mais gardez le Dieu. Gardez le Dieu avec qui tu as commencé. Jusqu'à la fin de ta vie. Oui, bien-aimé frère. D'ailleurs, les gens aujourd'hui qui embrouillent beaucoup l'église et la main de l'église, ce ne sont pas de nouveaux convertis, ce sont des anciens croyants rétrogrades. Ceux qui embrouillent la marche de l'église aujourd'hui dans le message ne sont pas des chrétiens d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les enfants qui sont venus à la foi maintenant. Ce sont ces vieux frères et vieux sœurs qui ont fait des années dans le message, sans nouvelle naissance, sans baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ils sont dans l'église par tradition. Voilà les hommes qui embrouillent l'église. Voilà les hommes et les femmes qui amènent les péchés dans l'église. Même si vous ne dites pas Amen, je dis moi-même Amen. C'est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un a fait longtemps qu'il a toujours Dieu. Quelqu'un qui a fait longtemps avec Dieu, mais aujourd'hui il commence à vivre comme un démon. Quelle erreur. Et lorsque Roboam, wakati le Roboam, se fit affermi, alijiona kuwa wa nguvu, dans son royaume, il s'est affermi, alijitia nguvu, dans son royaume, mufalme yake, et qu'il ait acquis de la force, na kisha yeye kupata il est devenu puissant, anakuwa sasa wa uwezo, il abandonna la loi de l'Éternel, aliacha sheria ya wa milele, et tout Israël l'abandonna avec lui, na Israël yote mzima nayo ikamwacha. Quel malheur. Ole kanile. Mais ce Roboam, alakini huyu Roboam, avait une mère, alikuwa na mama yake, païenne, mama yake mpagano, Amonite, wa kwa Amonite. La mère de Roboam, mama yake ya Roboam, était une païenne ammonite. Alikuwa mpagano ammonite. Et quand maintenant, à ce wakati, Roboam abandonne la loi de l'Éternel, wakati Roboam aliacha sheria wa milele, et le peuple abandonne là-bas, abandonne Dieu aussi avec lui, na taifa nayo ikamwacha Mungu pamoja naye. C'est pendant ce règne ni muile utawalo yake que Judas, Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alifanya kibaya mbele ya macho ya wamilele. Quand un homme ou une église abandonne Dieu, wakati mtu wala kanisa ikimwacha Mungu, il n'a plus de frein. Ana tena na kia kumusimamisha. Il se sent libre de commettre toutes sortes de péchés selon sa propre conduite. Anakuwa huru ya kutenda zambi yote kufuatana na kujiongoza kwake. Ceci ce point que j'ai toujours attiré l'attention de cette église. Ni yulu ya ile nukta mina sopeshaka kanisa. Lorsque vous m'entendez dire, wakati munanisikia mina sema, considérez les pentecôtistes, considérez les luthériens, mwangalie bantu ya litério, ce ne sont pas des dénominations politiques, ce sont des dénominations qui sont venues des réveils véritables du Saint-Esprit. Mais ils ont, quand ils ont abandonné Dieu, aujourd'hui, ils vivent dans toute liberté, dans le péché, sans tenir compte de ce que la Bible dit. Toutes ces dénominations qui viennent d'un véritable réveil, après avoir abandonné Dieu, elles ne respectent plus la Bible. Elles ne veulent plus entendre la Bible. Parce qu'elles marchent dans leur propre voie. C'est ce que nous ne voulons pas. Que de telles choses arrivent à l'église de Kambo. Vous n'êtes pas des anges. Vous n'êtes pas particuliers. Vous êtes aussi des hommes comme les autres. Mais la seule garantie que nous devons avoir, que nous avons Dieu, nous devons veiller sur la parole. Veillons sur la parole et veiller sur notre vie si elle est conforme à la volonté de Dieu révélée. Mais lorsque nous voulons vivre comme les autres, parce que les autres le font, nous tombons. Dès que vous commencez déjà à vous comparer avec les païens, à vous comparer avec les dénominations, vous êtes déjà tombé, vous avez déjà abandonné l'Éternel. Oh Kambov, ne vous comparez à aucune dénomination. Ne vous comparez à aucune église. Comparez-vous toujours avec l'église de la Pentecôte qui est née à Jérusalem sous la puissance du Saint-Esprit. N'imitez pas les dénominations et n'imitez pas même les églises du message qui ont fait entrer en elles la mondanité. Que celui qui a des oreilles entende les cris du Saint-Esprit. Cet homme qui avait condamné Jéroboam avait érigé les hauts lieux sur lesquels il avait mis des statues, sur lesquels il avait mis des idoles et des faux sacrificateurs. Ne regardez Roboam, lui-même qui était fortifié par la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et les véritables croyants et les véritables sacrificateurs, lui aussi a imité Jéroboam. Après avoir abandonné Dieu, il s'est construit ici des hauts lieux sur lesquels lui, Roboam, qui condamnait Jéroboam, il est déjà des statues et des idoles. C'est ça si l'église comprend cela. C'est bien de condamner les dénominations. Elles ont fait ceci. Vous voyez, le même Roboam qui avait Dans ce royaume, l'autel de l'éternel, lorsqu'il abandonna la parole, c'est lui qui construisit des lieux sur lesquels il plaça des statues et des idoles. Quelle bêtise! Frère, gardons l'œil ouvert. Tuchunge macho yetu wazi. Gardons l'œil ouvert. Tuchunge macho yetu wazi. Dans la parole. Ndani ya neno la Mungu. C'est bien de condamner les autres. Ni mzuri kuhukumu wengine. Est-ce que tu ne fais pas les mêmes Eti, choses? Eti, wewe pia haufanye vitu moya moya ile. C'est bien de condamner les autres. Ni mzuri kuhukumu wengine. Mais là dans ton cœur. Lakini moyo wako mwenyewe. N'avez-vous pas le même désir que les autres? Eti, hauna nania moyo moyo pamoja na wale wengine? Vous voyez bien mes frères. Naona ntuku mpeni. Quand quelqu'un, comme je vous l'ai toujours dit, quand quelqu'un abandonne Dieu, il oublie même la parole de Dieu. C'est vrai, frère. J'ai toujours insisté sur cette pensée, mais souvent vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un abandonne la parole, il oublie même ce qu'il prêchait, même ce qu'il défendait, même ce qu'il vivait, même ce qu'il craignait. Il devient un homme sans frein dans le péché. Anakuwa mtu bila cha kumsimamisha mzambi. Roboam. Toi qui semblais être une coupe d'or dans la maison de l'Éternel. Parce que tu avais défendu la loi de l'Éternel. Tu avais invité en ton sein les véritables lévites. Les véritables sacrificateurs. Tu avais protégé les temples de Dieu à Jérusalem. Là où les véritables sacrifices sont offerts. Mais te voilà tombé. Sasa wewe huyu na wewe unaanguka. Roboamu abandonna la loi de l'Éternel. Aliacha sheria ya wa milele. Regardez même au milieu de vous. Tazameni hata katikati yetu. Ka une sœur. Wakati dada moja. Abandonne la parole. Akiacha neno la Mungu. La première des choses que vous remarquerez. Kitu kia kwanza kile mtaona. Elle coupe ses cheveux. Manake atakata kwanza nywele yake. Elle met les mèches. Anaweka ma mesh. Elle met les collants. Anavala manguo akumlamata. Ou les mini-jupes. Wala ma mini-jupe mfupi. Elle s'habille maintenant. Sasa ananza kuvaa. Elle commence à se parer. Ananza kujipamba. Comme une prostituée. Sawa mkaba. Elle oublie tout ce que la parole de Dieu avait dit. Anasabu yote le neno la Mungu ilisema. Ce qu'elle défendait. Atainya alikuwa anakumbania. Si c'est un frère. Kama ni ndugu. Il commence à boire. Ataanza kunywa pombe. Il commence à fumer. Ataanza kufuta tumbaku. Il commence à courtiser les femmes. Anaanza kufuata banamuke. Vous voyez. Unaona. Donc comme il sait. Bila anajua. Ce que la parole de Dieu défend. Kile neno la Mungu inakataza. Et il commence à le faire volontairement. Sasa anaanza kukitenda kwa kisudi. Parce qu'il n'a plus de frein. Juana tena na kia kumusimamisha. Il peut l'arrêter. Il est nawezi kumusimamisha. Anne pas le faire. Apate kuacha kuifanya. Oui bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Il devient impie. Anakuwa mtu muovu. Il a le mépris de la parole de Dieu. Anakuwa na kadharau kuneno la Mungu. Il a le mépris des frères. Anakuwa na kadharau ya banduku. Il a le mépris des sœurs. Anakuwa na kadharau ya badada. Il a le mépris de la parole de Dieu. Anakuwa na kadharau ya neno la Mungu. Il a le mépris du message du temps de la fin. Anakuwa na kadharau ya ujumbe wa wakati wa mwisho. Ni nini ile? Il a abandonné la parole. Anaacha neno la Mungu. Il commence à aller dans les groupes de prière. Anaanza kuenda mkundi ya watu wa kuomba. Et pourtant il condamne les groupes de prière. Japo alikuwa na hukumu ile makundi ya kuomba. Il commence maintenant à apprécier les fausses prophéties. Anaanza sasa kufurahikia matabiri ya bongo. Il ne croyait pas la sorcellerie. Asikuwa naamini bulozi. Il devient maintenant un prophète de sorciers. Anakuwa sasa wa kutabiri balozi. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce qu'il a déjà abandonné la parole. Ni juu anesha acha neno la Mungu. Et Dieu l'a déjà abandonné. Na Mungu maintenant il n'a plus de frein. Rien ne peut l'arrêter dans le péché. Il peut vivre selon la liberté de sa conscience. Il est libre de boire. Il est libre de fumer. Il est libre d'aller dans les dénominations. Il est libre d'aller chez les devins. Il est libre d'aller dans les bars. Il est libre d'aller faire la magie. Il est libre. Pourquoi? Il n'a plus Dieu. Ana tena na Mungu. Jeroboam, Roboam, Roboam. Fils de Salomon. Mwana wa Solomon. Et retombé dans la folie de son père. Anangukia mubazimu ya baba yake. En faisant cela, mukufanya vile, Roboam, Roboam et tout Israël, na Israel mzima, excité la jalousie de l'Éternel. Ikalamusha buivu ya wa milele. Frère, Ndoko, ma soeur, dada yangu, et même les prostituées, hata makaba, à Paris, makaonekana, dans son royaume, mufalme yake. Roboam, Roboam, Roboam, Roboam. Même des prostituées. Nabakaba. Et pourtant Dieu, Japo Mungu, avait dit dans la loi de Moïse, musharia Musa, qu'aucune prostituée n'avait pas le droit de vivre en Israël. Na rusa ya kuishi Dieu avait dit à Israël, il ne livrera pas de filles à la prostitution, binti yako de peur que le pays ne se corrompe et l'on soit rempli. Na ishijale. Ici allez na bandumba. Na bandumba. Roboam. Roboam. Quand il est tombé. Wakati alianguka. Quand il a abandonné la parole. Wakati aliacha neno la Mungu. Les prostituées. Bakaba. Apparu. Bakaonekana. Dans son royaume. Mufalme yake. Quelle malédiction. Lana kanile. Quelle malédiction. Lana kanile. Que cet homme amène dans son royaume. Yubuto analeta mufalme wake. Quand les prostituées. Wakati wandumba bakaba. Apparaissent dans l'église. Anaonekana mkanisa. C'est une malédiction. Ile ni lana. Quand vos propres enfants commencent à se prostituer, quand ta femme commence à se prostituer, quand ton mari commence à se prostituer, c'est une malédiction qui est entrée dans ta maison. Si tes enfants commencent à se prostituer et toi tu ne dis rien, lorsque ta femme commence à se prostituer et toi tu ne dis rien, lorsque ton mari commence à se prostituer et toi tu ne dis rien, lorsque les croyants commencent à se prostituer et le pasteur ne dit rien, c'est une malédiction. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Le temps est parti. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est au mulango. Nous voyons comment Satan fait la pression sur l'église. Tunaona namna kanisa. Mais les croyants dorment dans le péché. Lakini baaminifu wanalala mzambi. Laodicea est en train de se glorifier. Yuko najitukuza. Sur l'église. Yule kanisa. Non, frère. Hapana ndugu. Non, ma sœur. Hapana dada. Un frère, Duku, qui chante la chorale. Voilà le coin d'aimer Kukuaya. Une sœur, Dada, qui chante la chorale. Voilà le coin d'aimer Kukuaya. Anakwa sasa mukaba. Un frère, Duku, une sœur, Dada, qui chante la chorale. Voilà le coin d'aimer Kukuaya. Commence à aller chez les devins. Ananza kwenda kubafumu. Il commence à faire les fétiches. Ananza kupaka madawa. Un frère, Duku, une sœur, Dada, qui était diacre, vous voyez, Unao, qui était prédicateur, maintenant, sasa, il commence à fréquenter kufata, les groupes de prière, makundi ya baoba, et les bars, na mabara, ananza kwenda mabara. Quelle malédiction. Lana kanile. Quelle malédiction. Lana kanile. J'ai toujours prié dans mes prières secrètes, j'ai dit, si le Seigneur, maombi yangu upeke, j'ai dit Seigneur, ninamwambia kabwana, si vous me voyez, kama ukiniona, je commence à aller là, ninaanza kuenda mule, si moi, uniue pale pale, je n'ai pas le droit de vivre, mishina na ruhusa ya kuishi. Ah, abandonner la parole. J'étais de l'opprobre sur la parole. Et j'ai dit neno la même parole. Et j'ai défendu. Commencez à vivre. Les mêmes choses. Que j'ai commis. Oh non. Apana. Seigneur. Viens mon secours. Un homme honnête. Mututu wa waki. Criera de cette manière. Ataomba muina muna. Quand un homme abandonne Dieu, il commence Mungu. À imiter toutes les abominations yote du monde. Ya il n'a plus de frères. Tout ce qu'il voit dans le monde, il le prend anaichugua. Sans discernement. Bila kutambua kwa roho. Ce qu'il voit à la télévision, bila naona il prend anachugua. Sans discernement. Bila kutambua kwa roho. Il ne sait plus distinguer tena kwa ce qui est bien. Et ce qui est faux. Kizuri na kibaya. Ce qui est vrai. Kya bia kweri. Voyez. Muno. Et ce qui est saint, ce qui est souillé. Kya takatifu na kya buchafu. Non frère. Apana nduku. Non ma soeur. Dada yangu apana. Que Dieu Mungu nous garde arriver jusque là. Atuchunge tuchifike kule. Frère. Nduku. Tu deviens seulement errant. Un homme sans frère. Mutu bila tu commences à suivre les trains du monde. Njia yote ya dunia. Toi qui avais un bon discernement. Ukwana kutambua kuzuri kwa roho. Toi qui marchais correctement. Ukwana tembea mzuri. Tu étais apprécié. Ukwana furahikiwa. Par l'église. Kanisa mzima ukwana furahikiwa. Tu étais apprécié même par le monde. Ukwana kutapa taba mzuri. Le monde était pour te craindre. Na mdunia barukwana kuogopa. Il disait à tout bas. Ukwana sema chini chini. Huyu mtu ni Mkristo, mwanamke wala mwanaume. Huyu ni Mkristo. Mais aujourd'hui tu abandonnes la parole, tu deviens la risée. Un sujet de moquerie de païens. On vous disait. Nous avons dit. Mais il est où? Sasa eko wapi? Il est où? Eko il wapi, est sasa, eko wapi? La fin d'une chose. Pour la fin d'une chose. Iko mzuri mwisho ya kitu kuliko mwanjo. Qu'est son commencement? Kuliko mwanjo yakyo. Quand quelqu'un abandonne la révélation, la révélation de la parole ne vient pas intellectuellement, non. La révélation vient du Saint-Esprit. Qui ont reçu la révélation de Dieu. Tu n'as pas quoi na mwenendo ya banamuke na banaume benye kupokea ufunuo ya Mungu. Roboam commence à imiter les abominations. Roboam ananza kufatilisha makufuru. C'est très grave. Ni hatari. Oh. Premier roi, c'est très grave. Wafalme wa kwanza. Ni hatari. Je ne saurais pas terminer. Sitamaliza. Roboam, qui était la coupe dans la maison, dans la main de l'Éternel. Roboam, des hommes saints, appréciés de venir, les hommes saints, appréciés de venir habiter à côté de Roboam, et habiter dans son royaume, des hommes saints, des hommes et des femmes à cœur juste, désirés venir habiter dans l'église, au Kambove Tabernacle. Et maintenant, quelle honte. Premier roi, au chapitre 14. Sura ya 14. Dans son verset. Mustari yake. Vous commencez au verset 21 parce que mon temps est arrivé à la fin. Mwanzio mustari makumi mbili na moja. Je commence au verset 22. Mwanzio mustari makumi mbili na mbili. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Judas kafanya kitu kibaya mbele ya macho ya milele. Et pas le péché qu'il commit. Na kupitia zambi walitenda. Ils excitaient sa jalousie plus qu'ils l'avaient jamais fait leur père. Wakalamusha buivu ya Mungu kushindia ila ta ile baba baba walifanya. Ils se battirent et aussi. Wakapika vita na bo. Ah, na bo. Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas en cela. Et aussi des olieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il eut même des prostituées dans les pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Frère, si Dieu a abandonné les catholiques, il a abandonné les méthodistes, il a abandonné les pentecôtistes, c'est parce que ces églises avaient abandonné la parole de Dieu pour vivre selon le monde. Et vous aussi l'église de Cambo qui prétend croire au message, et toi frère, et toi sœur qui prétend croire au message du temps de la fin, si tu abandonnes cette Bible révélée, si tu abandonnes le message du temps de la fin, Dieu aussi t'abandonnera. Mungu naye atakuacha. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Bwana Mungu amibariki juu ya magharibi ya leo. Tusimame juu ya maombi. Que mukenja iba kwetu nyanda umbali. Bwana yote.